sommes dans le sud de la France, en Ardèche même plus précisément, à quelques dizaines de mètres de la rivière. Celle-ci coule en contrebas. Le fameux arc de pierre qui enjambe l'Ardèche est juste là. Le cadre est splendide. Le caractère presque sacral du site touche chaque personne découvrant le lieu. L'arc ressemble autant à un pont qu'à un arc voûtant d'une cathédrale. Le temps long est perceptible ici sans effort. Trois spéléologues expérimentés viennent explorer ce que l'on appelle un trou souffleur, honnant ainsi les trous par lesquels l'hiver s'échappe de l'air chaud. À la sortie de l'infractuosité, l'air semble chaud. En fait, il est simplement à la température de la cavité, c'est-à-dire à 13 degrés été comme hiver. À l'intérieur des grottes, la température est d'une grande stabilité. Il s'agit donc d'un indice intéressant pour les spéléologues, laissant penser que peut se trouver à l'arrière du trou un plus vaste volume. L'après-midi de ce 18 décembre 1994 est déjà bien engagé quand le groupe de spéléologues se faufile au sein d'une étroite ouverture. Afin de progresser plus avant, les spéléologues font exploser deux charges. Bientôt, l'homme de tête constate à la lumière des lampes frontales qu'un puits d'une dizaine de mètres de profondeur donne accès en contrebas à une salle. Le groupe n'est pas équipé d'échelle. Aussi, tous retournent au véhicule pour récupérer le matériel nécessaire. Enfin, les trois spéléologues descendent dans le puits. Il est 20 heures. Alors que le groupe progresse dans la cavité, Eliette Brunel, une des spéléologues, aperçoit sur une paroi deux petits traits faits à l'ocre rouge, comme une signature du passage des hommes il y a fort, fort longtemps. Eliette Brunel, prise par une formidable émotion, s'écrie « Ils sont venus !» Le « ils » désigne bien sûr les hommes préhistoriques. Les tracés digitaux repérés sont à hauteur d'homme. Les deux ou trois heures qui suivent sont celles de découvertes extraordinaires. Peintures d'ours, de lions des cavernes ou de mammouths, mais aussi de mégacéros, apparaissent sous les yeux ébahis des spéléologues. Ceux-ci ne trouvent leurs mots pour exprimer leur joie, leur étonnement. Mais qui sont ces spéléologues ? Eliette Brunel est accompagnée de Christian Hiller et de celui qui va donner son nom à la cavité, Jean-Marie Chauvet. Tous trois sont des spéléologues amateurs, mais très expérimentés. Dans les mois qui précèdent la découverte de la grotte Chauvet, l'équipe a découvert deux autres sites tout à fait intéressants à quelques dizaines de mètres seulement. Jean-Marie Chauvet a un emploi à l'époque au ministère de la Culture. Il est contractuel gardien des grottes de l'Ardèche. C'est peu de dire que la vie des trois inventeurs, c'est le terme exact, bascule ce soir du 18 décembre 1994. Replongeons tout de suite au cœur de la caverne. En plus des peintures, des dessins et des gravures, les spéléologues découvrent de nombreux ossements d'animaux, des bauges d'ours aussi, c'est-à-dire des sortes de nids de roches dans lesquels s'installaient les ours pour l'hibernation. Ces derniers ont aussi griffé la roche, parfois à bonne hauteur. Ceci laisse imaginer la taille de ces animaux qui pouvaient mesurer plus de 3 mètres. Jean-Marie Chauvet, Eliette Brunel et Christian Hiller prennent tout de suite les précautions qu'ils prennent lorsqu'ils découvrent une cavité, afin de ne surtout pas abîmer le site. Certains passages peuvent être ainsi franchis en chaussettes, par exemple, pour ne pas casser une concrétion calcaire. L'équipe regagne l'air libre à 23 heures. Ils tentent de boucher la caverne afin d'en interdire l'accès. Les trois spéléologues retournent visiter la grotte le 24 décembre et font une série de photographies ainsi qu'un relevé topographique. Le ministère de la Culture n'est informé de la découverte que le 28 décembre. Mais surtout dans les jours qui suivent la découverte, les spéléologues installent des lées de plastique noir pour dessiner un chemin et un seul afin de préserver les sols de la caverne. Pour la petite histoire, les lées de plastique appartiennent à Eliette, qui est viticultrice de profession, et elle en a pour son exploitation viticole. Cette attention sera un fil conducteur du travail au sein de la grotte Chauvet. Ce réflexe a permis d'éviter des destructions et des contaminations du milieu biologique si particulier et fragile de la grotte. Aujourd'hui, elle n'est accessible qu'à une centaine de scientifiques par an. Les lits de plastique ont été remplacés par un chemin de caillebotis métallique surélevé par rapport au sol. Les personnes qui entrent portent une tenue spéciale à usage unique et des chaussures ayant été stérilisées. Revenons à ce mois de décembre 1994. Le ministère missionne immédiatement Jean Clotte, le grand spécialiste français des grottes ornées. Quand celui-ci est contacté et qu'on lui demande de se rendre rapidement sur place, dans un premier temps, il se demande s'il ne s'agit pas purement et simplement d'affabulateurs. Les premiers éléments de description semblent tellement extraordinaires qu'il peine à croire à la réalité de cette découverte. Par exemple, en 1994, on ne connaît que 18 représentations de rhinocéros en art pariétal. Or, dans la seule grotte Chauvet, on en découvre plus de 64. La découverte étonne d'autant plus Jean-Claude que le lieu de Vallon-Pont-d'Arc est particulièrement touristique l'été. Des milliers de personnes passent à proximité chaque année. Oui, mais un éboulement a bien caché l'entrée. Et en décembre 1994, on ne connaît pas encore l'histoire du lieu. Jean-Claude se rend sur place et visite la grotte avec les spéléologues inventeurs dès le 29 décembre. Il confirme la découverte ainsi que son caractère absolument exceptionnel. Aussi, il fait tout de suite des propositions visant à protéger le site pour éviter les déboires de Lascaux, du type maladie verte, maladie blanche, etc. Ainsi, une des premières décisions prises est l'interdiction d'accès au public. Jean-Claude compare la découverte faite avec celle d'Altamira en Espagne ou de Lascaux en France. Il comprend très vite que les dessins et peintures sont anciens, sûrement plus anciens qu'à Lascaux. En cela, la grotte Chauvet est véritablement exceptionnelle. Nous verrons la question des datations ultérieurement dans l'émission. Je vous propose tout de suite une petite description des trésors découverts et de la grotte. Il s'agit d'abord d'une grotte longue de plus de 400 mètres. Elle est à 25 mètres sous terre et a une superficie équivalente à 3 terrains de football. Comme ses voisines ardéchoises, la grotte Chauvet résulte du creusement du calcaire par l'eau. Les différentes salles sont grandes. La grotte est déjà une merveille de la nature. Des stalactites et stalagmites, des draperies superbes, des dépôts de calcite nombreux et scintillants sous les lumières. Regardons maintenant du côté du travail de l'homme. Ce qui est immédiatement perceptible quand on regarde les représentations, c'est la variété des pratiques et des techniques utilisées en peinture. Ici, une peinture appliquée avec les doigts, là une autre appliquée avec un pinceau, ici encore une gravure ou des pigments projetés à l'aide d'une paille, d'un roseau, des effets de perspective ou de représentation du mouvement comme avec les lionnes. Ces remarques sont d'autant plus fortes si on s'intéresse maintenant aux questions de datation de la grotte Chauvet. Son ancienneté, tout d'abord, en fait une des plus anciennes au monde. On l'estime à 36 000 ans avant le temps présent. À titre de comparaison, si on estime aujourd'hui les peintures réalisées à Lascaux comme datant de 18 000 ans avant le présent, il y a autant de temps entre nous et les hommes de Lascaux qu'entre les hommes de Lascaux et ceux de Chauvet. La question de la datation n'est pas chose aisée, notamment parce que les minéraux, et donc de nombreuses représentations réalisées dans la grotte Chauvet, ne peuvent être datées par carbone 14. Mais les analyses avec cette méthode sur les charbons de bois ont été à la fois nombreuses et cohérentes, aussi bien sur les dessins qui utilisaient le charbon que sur les foyers qui servaient à la production de ce charbon. On sait par ailleurs que l'ours des cavernes a disparu de la région vers 29 000 ans avant le temps présent. Ainsi, les traces laissées par les ours des cavernes sur certaines peintures permettent aussi une certaine forme de datation. Autre élément qui rend la grotte Chauvet exceptionnelle, le nombre des peintures, des dessins, des gravures, ainsi que leur variété sont considérables. On trouve ainsi 447 représentations animales et ces animaux appartiennent à 14 espèces différentes. Parmi ces représentations, 20% des peintures représentent des mammouths, 20% représentent des félins, 15% des chevaux et 5% des ours. On trouve aussi quelques aurochs, quelques rennes, un hibou. Ce qui rend notamment ce bestiaire original, c'est l'importance des animaux non chassés, des animaux dangereux. Ainsi, la grotte Chauvet abrite la plus grande collection mondiale de félins. Parmi les félins, un animal rarement représenté est ici très présent, le lion des cavernes. Cet animal est un lion sans crinière. Il a disparu depuis. Il y a aussi quelques magnifiques rhinocéros laineux dont les cornes longues et pointues sont disposées en alignement et évoquent peut-être le mouvement. À titre de comparaison, à Lascaux, il y a 915 représentations animales, donc deux fois plus qu'à Chauvet, mais celles-ci ne représentent que 9 espèces. De plus, à Chauvet, il existe deux animaux représentés dans aucune autre grotte, le bœuf musqué, reconnaissable à ses cornes, et la panthère des neiges. Cette excellente conservation nous permet aujourd'hui de trouver des empreintes de pieds humains et même d'enfants, empreintes parfaitement conservées dans le sol meuble de la grotte. Certaines scènes sont particulièrement riches, avec une véritable organisation. D'un côté, on trouve les lions, de l'autre, les bisons chassés. Les lions sont représentés les uns à côté des autres en différentes positions, de sorte à ce que le mouvement soit visible. Des études ont été réalisées pour essayer d'estimer le temps nécessaire pour faire les grands panneaux de la grotte Chauvet. Une fois la paroi préparée, le temps du dessin est sûrement assez court. On pense que quelques heures suffisaient à plusieurs artistes, peut-être 5 ou 6 heures, pas plus. Même de très beaux dessins devaient être réalisés en fait en quelques minutes. Certaines représentations sont peintes avec des pigments minéraux, d'autres sont dessinées au charbon, comme le panneau des lions. Tant que l'on parle technique, il est important de se souvenir que les hommes travaillent à plusieurs centaines de mètres de l'entrée dans un noir profond. Quelques torches, quelques feux, quelques foyers éclairent alors ces lieux de manière momentanée et mouvante. Mais les parois ne sont pas uniquement ornées d'animaux. Il y a des mains en positif ou en négatif, ainsi que de nombreux signes non identifiables. Pour une main en positif, le peintre met sa main dans la peinture puis l'applique sur la paroi. La main en négatif, il pose sa main non peinte sur la paroi puis projette à l'aide d'un roseau de la peinture sur sa main et ceci va donc faire le tour de la main. Un des éléments les plus étonnants de la grotte Chauvet et dont l'interprétation fait encore débat est la célèbre salle du crâne. De quoi s'agit-il ? Un crâne d'ours est posé sur un bloc de pierre d'une cinquantaine de centimètres de haut et en un cercle à peu près correct sont disposés des dizaines d'autres crânes autour de ce crâne central. La question de l'interprétation est celle de la mise en scène, hypothèse largement privilégiée, ou celle selon laquelle une telle situation serait due au hasard. Une crue aurait déposé un crâne sur le bloc de pierre, par exemple. Cependant, la présence de traces charbonneuses sur certains crânes confirme que ces crânes ont bien été manipulés et que l'homme a bien mis en scène ces restes d'animaux. Outre l'Homo sapiens, un autre habitant, en effet, a fréquenté la cavité pendant plusieurs millénaires, l'ours des cavernes. On peut imaginer sans peine que l'homme et l'ours ne fréquentaient pas la grotte au même moment. Les traces d'ours retrouvées montrent que celui-ci venait hiberner. Les hommes devaient donc sûrement attendre que ces animaux de bonne taille et au caractère peu commode s'en aillent pour venir peindre et décorer la grotte, au printemps ou durant l'été. La fréquentation du lieu par les ours des cavernes était régulière. Ainsi, on a retrouvé plus de 200 crânes. Ceux-ci appartiennent à des animaux morts pendant leur hibernation. On a retrouvé de nombreuses traces de griffes et de passages répétés de l'animal contre des parois qu'il a usées. Comme pour la grotte de Lascaux, celle de Vallon-Pont d'Arc est très bien conservée grâce à l'obstruction de l'entrée il y a très longtemps. Pour la grotte de Vallon-Pont d'Arc, l'entrée a été obstruée par un éboulement il y a 22 000 ans. Mais qui était l'homme qui vivait là il y a presque 40 000 ans ? Les Homo sapiens vivant dans cette région il y a 40 ou 30 000 ans étaient des orignaciens. Au plan anatomique, ils sont semblables à vous et à moi. Ce que l'on appelle l'orignacien est une culture commune à toute l'Europe et au Moyen-Orient, culture marquée par des formes bien spécifiques dans l'art pariétal et par une très bonne maîtrise des outils en os ou en pierre taillée. Par ailleurs, je rappelle que le feu est maîtrisé depuis à peu près 400 000 ans et que l'homme enterre ses morts depuis à peu près 100 000 ans. La découverte de Chauvet a une conséquence majeure en histoire des arts. L'idée selon laquelle les artistes de l'orignacien réalisaient des dessins relativement frustes et basiques est battu en brèche brutalement. Jean-Claude constate la qualité extraordinaire des dessins trouvés sur certains panneaux. C'est alors qu'il lui vient l'idée de rapprocher cette maîtrise dans l'art pariétal avec un équivalent qu'il trouve dans l'étude de certaines statuettes réalisées dans l'ivoire à la même époque et trouvées dans l'Allemagne actuelle. Là aussi, ces objets réalisés durant l'Orignacien sont stupéfiants de beauté. Cette évolution de la conception de l'histoire des arts est fondamentale. Désormais, on ne considère plus l'évolution comme linéaire, faite de progrès réguliers à l'instar d'un enfant qui apprend. Dès l'Orignacien, on constate que l'homme est déjà capable de représentations d'une grande qualité et faisant appel de manière évidente à des symboles. Par exemple, certaines techniques employées dans les dessins sont particulièrement bien maîtrisées, comme la perspective ou l'estompe. De même, pour représenter le volume, le relief des parois est utilisé. On sait que les hommes d'alors vivent en suivant les grands troupeaux d'herbivores. La mobilité de ces petits groupes humains est attestée par la possession d'objets venus d'ailleurs, comme certains outils, certains silex ou un collier de coquillages par exemple. L'environnement immédiat est assez largement différent de celui d'aujourd'hui. Tout d'abord, le climat est plus froid et un paysage de steppe, c'est-à-dire d'herbes et de buissons, a tendance à dominer. Il y a aussi des forêts composées d'essences supportant des températures plus froides que celles d'aujourd'hui. Par ailleurs, l'entrée de la grotte est alors largement ouverte et donc visible de loin. L'éboulement s'est produit il y a 22 000 ans. C'est celui-ci qui va refermer la cavité. La grotte a été investie par l'homme à deux reprises. Après la première période de l'Aurignacien, on a vu aux alentours de 35 000 ans, une seconde période d'occupation se situe au Gravettien, c'est-à-dire entre 31 000 et 22 000 ans avant le présent. La main négative est un élément typique de l'art gravettien. Ces mains sont réalisées, comme je le disais tout à l'heure, en projetant du pigment avec la bouche sur la main. Un roseau peut être utilisé. Les principales œuvres de la grotte sont aujourd'hui visibles par le public au sein d'une reconstitution absolument remarquable. Je vous invite tout simplement à faire cette visite. Elle est magique.